Let's bring something together. Thank you. porte du présent. Pousser, forcer la porte. Faire effraction, pousser, forcer, porte du présent, force the presence d'eau. Force. I need to force presence. Presence do push.